السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام، أما بعد. Qu'est-ce qui nous rappelle ce que nous avons vu la semaine passée? Un demain. Papa. Les moyens entrepris par Kuffar Quraysh afin d'empêcher la propagation du message de l'islam et la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu une partie de ces points. Et nous avons vu une partie de ces points. Qui est-ce qui nous les rappelle? J'ai été voir Abu Talib et ses proches, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils lui ont dit de faire cesser sur la dharma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ahsan. Le premier moyen entrepris par Kuffar Quraysh afin d'obstruer et d'empêcher la propagation du message de l'islam et du prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été le fait de se rendre auprès de son oncle Abu Talib et de lui dire de faire cesser son neveu et de le mettre en garde contre le prêche de son neveu afin qu'il le fasse cesser immédiatement. Après cela, qu'avons-nous cité? Naam. Les fausses accusations. Naam. Comme quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'il était fou. Ils ont dit Majnoun. Quoi d'autre? Naam, kadhib, kadhab, ils ont dit qu'il mentait, que c'était un grand menteur. Qalu sahir, naam, ils ont également dit que c'était un sorcier. Qalu majnoun, kama qala, akhuna al-kabir, sahir. Naam, la semaine passée, lorsque j'ai cité quelques versets de Sourate Al-Baqarah, j'ai fait une erreur. Sur la première page, j'ai dit, si mes souvenirs sont bons, wa yu'tuna az-zakat, au lieu de dire wa mimma razaqnahum yunfiqun. Cela sera à corriger. Et celui qui entend une erreur dans un verset ou dans un hadith, il lève la main et il me reprend. Il me corrige. جزيتم خيرا. نعم. بعد ذلك. Après cela. نعم. السخرية والاستهزاء. La moquerie. Le rabaissement. Le dénigrement. نعم. Et cela n'est pas propre à ce qu'a subi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est une épreuve qui a été endurée par l'ensemble de ceux qui sont venus avec ce message. Toute personne qui est venue appeler au tawhid a reçu ses nuisances. Toute personne qui est venue appeler au délaissement des fausses divinités, à l'adoration d'Allah, d'un culte sincère, au délaissement de la voix des ancêtres qui contredisent, Amada qui contredit la voix des prophètes et des messagers, alayhimu salat wa salam, ont reçu ces nuisances. Tous ces prophètes et messagers. Naam. Et ceux qui les ont suivis également avec excellence, comme les Sahaba radiallahu anhu, naam, comme les Ansar des messagers, et comme les savants de l'islam, et comme les prédicateurs qui suivent la voie des savants de l'islam, tous ces gens-là, naam, ont une part dans cette nuisance, Et ils ont un parfait exemple à suivre, naam, en ces personnes-là, et en la personne du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Non, après cela, qu'avons-nous cité? Non. Il y a une femme qui était voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et elle lui a dit, j'espère que ton démon, s'est éloigné de toi. Non. On ne l'a pas vu depuis deux jours. Non. Toutes ces formes-là éduquent le prédicateur, éduquent le prêcheur, éduquent celui qui suit la vérité, l'islam sahih, non, devant les nuisances qu'il rencontre. Lorsque tu étudies à Sira, ça n'est pas que pour te cultiver. Tu dois aussi t'éduquer, non, et établir une corrélation entre cette époque et la nôtre, entre ces nuisances-là et les nôtres, non, entre les causes par lesquelles Allah Azza wa Jal les a secourus, non, et la faiblesse que l'on vit nous. Non, celui qui étudie cela et qui compare verra qu'il y a un clivage évident entre le tamassouk, entre la manière dont s'est cramponné un sahaba, ce dîn, que ce soit dans l'apprentissage, dans l'endurance, dans la mise en pratique du dîn, dans la propagation du dîn, puis dans l'endurance sur les nuisances, na'am, tu verras une grande différence. Et celui qui aspire à l'élévation par laquelle qu'Allah Azza wa Jalla a accordé au sahaba, il doit étudier cela et regarder comment est-ce que le prophète alayhi salatu wa sallam s'est comporté et comment est-ce que sahaba radiallahu anhum ont pris de lui ad-din et l'ont mis en pratique. Na'am. Donc, nous allons poursuivre. Nous avons cité le premier point, le deuxième, et nous sommes arrêtés, si mes souvenirs sont bons, à Sabbul Qur'an, parmi les moyens entrepris par Kuffar Quraysh pour obstruer ce prêche, pour mettre un frein à la prédication du prophète alayhi salatu wassalam, ou bien mettre même fin au message de l'islam, ils faisaient du bruit lors de l'arrestation du Coran. Naam, ils faisaient du bruit, que ce soit en tapant des mains, que ce soit en criant, que ce soit en parlant, que ce soit en dérangeant, ils faisaient tout pour qu'on n'écoute pas le Coran. Pourquoi? Car ils avaient connaissance de l'effet du Coran sur les cœurs. Alors qu'ils disaient que ça n'est que magie, ça n'est que sorcellerie, ainsi de suite. Mais la réalité des faits ne pouvait être reniée. C'est que celui qui écoutait le Coran était touché par ce Coran. Même celui qui n'avait pas foi ne trouvait rien à en redire. Alors, comme nous avons cité dans l'histoire de une de leurs têtes, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam lui a récité Ma'da sadran min surati fussilat. Et nous avons également cité lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam wa la tajhar bi salatika wa la tukhafid biha. N'élève pas trop ta voix lorsque tu pries en lisant le Coran et ne la baisse pas trop. Naam, et ne la baisse pas trop. Ibn Abbas radiallahu anhu nous montre que ceci a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la nuisance qu'il subissait des associateurs. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui a également ordonné aux croyants de ne pas insulter les fausses divinités afin que eux, les égards, n'insulte pas Allah tabaraka wa ta'ala. N'insulte pas Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah 'adwan bighayri 'ilm. En sourate Al-An'am. Fa hakadha ta'allamu ad-da'i kayfa yatasarraf aw kayfa yad'u ila Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ceux qui illustrent parfaitement cela, l'histoire de la hijra de Abu Bakr. Naam. Prochainement, on va étudier les deux premières hijras, il al-Habash, insha'Allahu ta'ala. Et une question qui est souvent posée, est-ce que Abu Bakr a fait la hijra? Et comment se fait-il qu'il ait le meilleur des compagnons qui n'a pas fait la hijra et qu'il a été devancé? Par exemple, par Uthman, radiallahu anhu, avec son épouse, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Na'am par Ja'far et beaucoup d'autres parmi les sahaba dans la première hijra, ils étaient un petit nombre, dans la deuxième un plus grand nombre, et lui a attendu jusqu'à la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ben sachez que Abu Bakr radiallahu anhu lui aussi, Na'am, lui aussi a fait une hijra dans un premier temps, si ce n'est qu'il s'est arrêté à mi-chemin. Aisha radiallahu anha nous raconte cela en nous disant: Lamma btuliya al-muslimun kharaja Abu Bakr al-muhajiran qabl qibal al-habash. Lorsque les croyants ont été éprouvés, Abu Bakr est sorti pour faire l'égir en direction de Al-Habasha. Hatta idha balagha Bark al-Rimad, jusqu'à atteindre un endroit qui s'appelle Bark al-Rimad, laqiya ibn Darina, un homme qui se nomme ibn Darina, qui était une tête dans son peuple, wa huwa sayyidu al-Qara. فقال اين تريد يا ابو بكر. Il lui a demandé: où veux-tu te rendre? فقال ابو بكر اخرجني قومي. Il lui a dit: mon peuple, نعم, m'a fait sortir, mon peuple m'a exclu. فانا اريد ان اسيح في الارض, donc je veux parcourir la terre. فاعبد ربي, afin d'adorer mon seigneur. قال ابن الدارين ان مثلك لا يخرج. Ibn Darina lui a dit: quelqu'un comme toi ne peut être exilé. Quelqu'un comme toi, on ne peut le faire sortir. Il connaissait la valeur de Abu Bakr, la place de Abu Bakr dans son peuple, mais ceci était reconnu de tous. فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتَسِلُ الرَّحِيمِ وَتَحْمِلُ الْكَلْبِ وَتُخْرِئُ الضَّيْفِ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ وَأَنَا لَكَ جَارٌ. Il lui a cité ses qualités, sa générosité, Naam, sa noblesse, le fait de lier en parenté, le fait de dépenser pour ceux qui sont dans le besoin, le fait d'accueillir l'invité et d'aider les gens en cas de difficulté. Wa ana laka jar. Farji' fa'bud rabbaka bi babladik. Il lui a dit: je serai ton voisin, reviens avec moi et adore ton Seigneur dans ton pays, adore ton Seigneur, yani auprès de nous. Cette parole qu'a dit Ibn Darina, c'est la même parole qu'a prononcée Khadija radiallahu anha lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation et qu'il est rentré apeuré. Naam, lorsqu'il lui a dit: j'ai eu peur pour ma vie, j'ai eu peur pour ma vie, elle lui a répondu ces mêmes paroles. Alors Abu Bakr est revenu avec Ibn Darina et il l'a mis dans ce qu'on appelle son diwar, son voisinage. C'est-à-dire que chez les Arabes, tu ramènes une personne et tu disais: un tel est sous mon voisinage. C'est-à-dire qu'il est sous ma protection. Il est formellement interdit à qui que ce soit de le toucher par un mal. Et si on voit cette qualité qu'avaient les gens avant même l'islam, ceci était sacré pour eux. فارتحل ابن الدارين فرجع مع ابي بكر. Donc ils sont revenus. فطاف في اشراف كفار قريش. Il a fait le tour des nobles de Quraysh et leur a dit: ان ابا بكر لا يخرج مثله او لا نعم ولا يخرج. Il a dit: quelqu'un comme Abu Bakr, il ne lui convient pas de sortir ni qu'on le fasse sortir. Yani ni volontairement ni de force. أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويسل الرحيم ويحمل الكلة ويقرئ الضيف يعين على نوائب الحق فأنقذت قريش أو فأنفذت قريش جوار بن الدغنة. Par la suite, قريش a accepté et a mis en pratique ce que lui avait accordé Ibn Darina comme protection sous son voisinage. Wa amanu Abu Bakr. Ils ont accordé la sécurité à Abu Bakr. Wa qalu li Ibn Darina mur Abu Bakr faly'abud rabbahu fi dari. Si ce n'est que Kufar Quraysh ont dit à Ibn Darina: ordonne à Abu Bakr, na'am, qu'il adore son Seigneur mais dans sa maison. On ne veut pas le voir faire cela en public. On ne veut pas que nos enfants, que nos épouses témoignent de cela. وَلْيَقْرَ مَا شَاءَ. Et qu'il récite ce qu'il veut. وَلَا يُذِينَ بِذَلِكَ. Et qu'il ne nous nuise pas avec cela. وَلَا يَسْتَعْلِلْ ولا يستعلل به فإن قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا car on redoute qu'il perturbe, qu'il trouble nos enfants et nos épouses. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر ابن الدغنة transmis cela à Abu Bakr. فطافق أبو بكر يعبد ربه في داره. Donc Abu Bakr a mis cela en pratique, il adorait son Seigneur dans sa demeure. Et il ne priait pas ni ne récitait en dehors de sa maison. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبارز فكان يصلي فيه. Par la suite, Abu Bakr a décidé et a fait le choix de sortir de sa maison et de prier comme, yani on dirait, dans la cour, na'am, ou derrière la maison. C'est-à-dire que ceux qui vont passer vont pouvoir l'entendre et vont pouvoir le voir. Et vont pouvoir le voir. فَكَانْ يُسَلِّ فِي وَقَرَوْ الْقُرْآنِ Il y priait et récitait le Coran. وَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ Et les épouses, ainsi que les enfants des associateurs, se réunissaient auprès de lui, يَعْجَبُونَ أَنْظُرُونَ إِلَيْهِ Ils étaient étonnés de son état, et ils le regardaient. وَكَانَ أَبُو بَكْرَ رَجُلًا بَكَّاءً لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ حِينَ أَقْرَوْ الْقُرْآنِ Qu'est-ce qui les étonnait? Ils étaient devant lui comme des êtres ébahis. Pourquoi? Elle nous dit, radiallahu anha, que Abu Bakr était un homme qui était très sensible à la lecture du Coran. Il pleurait énormément lorsqu'il lisait le Coran. Et cette information, on la retrouve à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mouru Abu Bakr fal yusalli bin nas » Lorsqu'il était malade au point de ne pouvoir sortir pour présider la prière, il a dit « Ordonne Abu Bakr » de présider la prière, de faire l'imam. Aïcha lui a dit cette parole-là, qu'Abu Bakr est une personne trop sensible. Lorsqu'il lit le Coran, on ne peut entendre sa récitation tellement il pleure. Tellement il pleure. Et ici on nous dit « Bakka'an » Pas quelqu'un qui pleure simplement, quelqu'un qui pleure beaucoup lors de sa récitation et lors de sa lecture. Il ne peut retenir ses larmes lorsqu'il récite le Coran. فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَفَ قُرَيْشِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Donc ceci a fait peur aux nobles de Quraysh parmi les associateurs. فَأَرْسَلُوا إِلَى بْنِ الدَّارِينَ Ils ont donc envoyé des émissaires à ابن الدارين. فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لَهُ Donc il a été convoqué, il est venu et ils lui ont dit « Inna kunna ajarna Abu Bakr » Nous avions accepté d'accorder le voisinage à Abu Bakr « Ala ya'buda rabbahu fi dari » à condition qu'il adore son Seigneur dans sa maison « Wa innahu jawaza dhalik » Mais il a transgressé « Fabtana masjidan bi fana'i dari » Il a pris comme lieu de prière une partie extérieure de sa maison « Wa a'lana salata wal qira'a » Et il a extériorisé sa prière ainsi que sa lecture, sa récitation. وَقَدْ خَشِينَا أَيَفْتِينَا أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا Et nous redoutons qu'il trouble, qu'il perturbe nos épouses et nos enfants. Que veut dire pour eux troubler et être une fitna pour leurs épouses et leurs enfants? Ça veut dire on a peur qu'ils entendent cela, qu'ils reconnaissent la vérité, qu'ils entrent en islam. Et qu'ils entrent en islam. فَإِنْ أَحَبَّ يَقْتَصِرَ عَلَى يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلْ S'il accepte de se restreindre à ce qui avait été convenu, qu'il adore son Seigneur chez lui et qu'il récite chez lui, alors qu'il le fasse. وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ ذَلِكَ Et s'il refuse et s'obstine à faire ce qu'il a décidé de faire, فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ Demande-lui alors, à ce moment-là, qu'il rende qu'il te décharge du pacte que vous aviez convenu. Du pacte que vous aviez convenu. فَإِنَّا كَرِهْنَا أَنْ نُحْفِرَكَ وَلَسْنَا بِمُقِرِّينَ لِأَبِي بَكْرٍ فَإِنَّا كَرِهْنَا أَنْ نُحْفِرَكَ وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لِأَبِي بَكْرٍ إِسْتِعْلَالًا قالت عائشة فأتى ابن الدارين أبا بكر. Donc ils ont demandé à Ibn Darina de se sortir de cette situation. Soit il force Abu Bakr à faire ce qui est convenu, soit il rompt ce qui est convenu entre eux. Naam, soit il rompt ce qui est convenu entre eux. Car on n'acceptera jamais cela de lui. Aisha nous dit que Ibn Darina est parti voir Abu Bakr et lui a dit « Qad alimta alladhi aqadtu laka alayhi » Tu sais bien ce que nous avions convenu. Ta'imma an taqtasira ala dhalik, soit tu te restreins à ce que nous avions convenu, wa imma an tarudda ilayya dhimmati, soit tu me rends cette responsabilité. Yani tu me décharges de ce que nous avions convenu, le fait que je t'accueille, que je t'accorde l'hospitalité et la protection, le voisinage. Fa inni la uhibbu an tasma'a al-arab, écoutez. Car je ne veux pas que les Arabes entendent anni ukhfirtu fi rajulin aqadtu la. Car je ne veux pas que se répande chez les Arabes qu'on a touché une personne qui a été à qui j'ai accordé le voisinage, c'est-à-dire la protection et les droits. L'Arabe, ça c'était honteux chez eux. C'était honteux chez eux. Tu touches à son voisin à qui il a accordé cette protection, n'aam, tu as ici transgressé très gravement. À ce moment-là, Abu Bakr a répondu la parole du monothéiste. La parole de celui qui place sa confiance en Allah. La parole de celui qui vit et tawhid à tout moment, dans l'aisance et dans la difficulté. La parole de celui qui connaît Allah tabaraka wa ta'ala. La parole de celui qui sait que la protection elle vient d'Allah. Le secours il vient d'Allah. Et celui qui décide de tout ce qui se passe dans les cieux et sur la terre, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et que les créatures ne sont qu'une cause. Et il est seul. Et on lui accorde l'hospitalité. Et il voit devant ces gens-là qui veulent lui nuire. Et lui, il s'obstine à faire quoi? Ou plutôt, il n'accepte que de faire lire le Coran, pas cacher le Coran, et prier, ne pas se cacher pour prier. À la fin, il a répondu à Ibn Darina, « Inni aruddu ilayka diwarak wa arda bi diwarillah. » Allahu Akbar. Et il lui a dit, « Je te rends ton voisinage et j'accepte et j'agrée le voisinage d'Allah. » Je te rends ton voisinage et j'accepte et j'agrée le voisinage d'Allah. هذا كلام يخرج من واحد ممن عرف ربه في السراء نعم والضراء سرا وعلنا. Ça c'est des paroles qui émanent d'une personne qui connaît Allah tabaraka wa ta'ala, qui connaît Allah dans les ans, qui connaît Allah dans la difficulté, qui sait que l'ordre tout entier est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si l'ensemble des gens se réunit pour te faire un mal, ils ne pourront le faire, sauf si Allah a décidé de cela. فَهَذَا دَرْسٌ Voici une leçon, ici, de Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Ici, ça nous montre quoi? Qu'ils avaient peur, na'am, qu'on entende le Coran. Ils avaient peur qu'on récite le Coran. Le point suivant qu'ils ont utilisé pour repousser, freiner ou faire disparaître le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, استعملوا القوات الخارجية من أهل الكتاب من بعض أهل الكتاب. L'étape suivante a été d'avoir recours à des puissances extérieures. Donc ils ont demandé de l'aide à certaines personnes faisant partie des gens du livre. Ils ont envoyé une délégation à Médine. Avec Nadr ibn al-Harith et Uqba ibn Abi Mu'ayt. Ils sont partis voir les gens du livre. Et ils leur ont dit, donnez-nous des questions qu'on posera à cette personne qui prétend être un prophète afin de le rendre ou le soustraire à, ou le soumettre à l'incapacité. On va le rendre incapable de répondre devant tout le monde. Ainsi on démontrera qu'il n'est pas un prophète, qu'il n'est pas un messager, mais c'est plutôt un menteur, et c'est plutôt un tricheur, et c'est plutôt un trompeur. Wahakada, wallahu musta'an. Alors, ma'adha, ils ont dit, saluhu anirruh. Questionnez-le au sujet de l'âme. Ar-ruh. questionnez-le au sujet de Ruh. Ce texte-là est authentique. Il y a un autre texte qui est connu et répandu, qui nous dit « Saluhu an ahli al-kahf wa an dhil qarnay wa an ruh » Il y a un autre texte qui cite trois questions. Demandez, questionnez-le au sujet des gens de la caverne. Naam, d'ahli al-kahf. Comme il y a la sourate dans le Coran. Deuxièmement, au sujet de Dhul Qarnay. Et troisièmement, au sujet de Ruh. Et tout cela a été cité dans sourate al-kahf. Naam. Et dans sourate al-Isra. Barakallahu fiqh. Plutôt dans sourate al-Isra. Qala Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le premier texte, il est sahih, Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, le cite, il rapporte par Ahmad al-Tirmidhi. Le deuxième texte contient une faiblesse, celui qui cite les trois. Mais celui qui cite Ar-Ruh, ce texte-là est authentique. قال الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب. Et il te questionne au sujet de l'âme, dit l'âme. Je vais prendre la traduction. Et il t'interroge au sujet de l'âme, dit l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur. Et on ne vous a donné que peu de connaissances. وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. On sera tous les salam, verset 85. Donc Allah subhanahu wa ta'ala intasir لِعِبَادِهِ وَأُولِيَاهِ الْمُتَّقِينَ الْمُوَحِدِينَ. Allah azza wa jal secoue, na'am, les croyants et les gens du tawhid. On passe à un autre moyen utilisé par les associateurs pour obstruer le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son prêche. At-targhib, le fait de lui faire miroiter des choses. Le fait de susciter un désir en lui des choses de dunya. Na'am, c'est-à-dire ils lui font des propositions, des choses de dunya. On te donne ça et tu délaisses. Si tu ne veux pas te délaisser, alors une partie. Alors, na'am. Donc, Quraysh a voulu utiliser cette fois-ci une autre méthode qu'ils n'avaient pas auparavant, d'attester. Ils ont envoyé Utba ibn Rabi'a. Ils ont envoyé un de Quraysh pour lui dire Yabna Akhi. Ils lui ont dit, il est venu, il lui a parlé d'une manière qui est étrange pour eux, car ils avaient l'habitude de la dureté, ils avaient l'habitude de l'insulter, mais là il a montré quelque peu Mada de douceur et ainsi de suite pour tenter d'adoucir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le faire délaisser une partie de la vérité émanant de son Seigneur. Et c'est ainsi que font les gens du faux. Naam, ils tentent par la force, par la menace et ainsi de suite. Si ça ne fonctionne pas, à ce moment-là ils viennent avec la gentillesse, regarde on va te donner ça, regarde on va te donner ça, et ils essayent de t'acheter pour que tu délaisses le haqq, pour que tu délaisses le chemin d'Allah Azza wa Jal, le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya ibn akhi, innaka minna haythu qad alimt min al-makan fi an-nasab wa qad ataita qawmaka bi amrin 'azim farraqta bihi jama'atahum fasma' minni. Donc il lui a dit, au fils de mon oncle ou au fils de mon frère. Ça, c'est une parole dans laquelle il y a de la douceur. Naam, c'est une parole dans laquelle il y a de l'affection, en apparence. Tu as la place parmi nous que tu connais très bien. Que ce soit par ta noblesse, ta lignée. Mais tu es venu à ton peuple avec une chose très grave. Tu as divisé ainsi ou par cela notre groupe. Alors écoute de moi, j'ai une proposition à te faire. J'ai une proposition à te faire, peut-être que tu en accepteras. Ou j'ai des propositions à te faire, peut-être que tu en accepteras certaines. In kunta turid aw inna ma turid bi hadha al-amr mala jama'na laka min amwalina hatta takuna akthara minna amwal. Ils lui ont dit, si c'est l'argent que tu veux à travers cela, si tu fais tout ça pour de l'argent, alors on va réunir tous, c'est-à-dire chaque grande tribu va réunir une partie de son argent. Et on va te remettre l'ensemble, donc tu seras le plus riche de nous tous. Donc tu finiras par être le plus riche de nous tous. Wa in kunta turid sharafan sawadnaka alayna fala naqta amran dunak. Et si c'est la noblesse et le rang social que tu cherches, alors on va faire de toi notre chef. Notre Seyyid, le meilleur d'entre nous, la tête, on va te mettre à la tête d'entre nous et on ne prendra plus aucune décision sans ta présence. et sans ton aval. Puis ils lui ont dit, وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ مُلْكًا مَلَّكْنَا كَعَلَيْنَا. Et si tu cherches la royauté, on fera de toi notre maître, ou on fera de toi notre roi. وَإِن كَانَ هَذَا الَّذِي يَأْتِيكَ رِئِيًا تَرَاهُ لَا تَسْتَطِعُ رَدَّهُ عَنْ نَفْسِكَ طَلَبْنَا لَكَ الطِّبِّ. Et ils lui ont dit, et si celui qui te vient, Ra'yan il parle de, Ra'yan il parle de Jibril alayhi salam. Na'am. Et si tu as une maladie qui est incurable et tu n'arrives pas à t'en séparer, alors on recherchera pour toi les meilleurs des médecins. Yani, Jibril pour eux, yani, c'est faux et c'est une maladie par laquelle il est touché et on va chercher un médecin pour te guérir de ce mal qui te touche. Et on va quitte à dépenser tout notre argent pour cela. وَإِنْ كَانَ بِكَ الْبَاءَ زَوَّجْنَاكَ عَشْرَ نِسْوَةٍ تَخْتَارُ مِنْ أَيِّ أَبْيَاتِ قُرَيْشٍ شِئْتَ. Puis ils lui ont dit, si c'est le désir qui te pousse à cela, c'est-à-dire les femmes, on te mariera à une dizaine de femmes des maisons de Quraysh. Naam, des maisons de Quraysh que tu auras choisies. فَلَمَّا فَرَى. Lorsqu'il lui finit, c'est dire, tala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sadran min surati Fussilat. Lorsqu'il a fini, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a récité une partie de surat Fussilat jusqu'au verset 12. Jusqu'au verset 12. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلم بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عامل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة هم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها بارك فيها قدر فيها قواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. Jusqu'au verset 13. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets, nous montre que c'est la révélation du tout miséricordieux, du très miséricordieux. Donc c'est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et il nous montre que le prophète sallam a été envoyé en tant qu'avertisseur et en tant qu'annonciateur. Puis Allah azza wa jal nous montre que celui qui ne croit pas, na'am, il nous cite ce qu'il encourt. Et au final, il nous informe de la rétribution de ceux qui se détournent de ce message. Lorsqu'il a entendu cela, il est resté bouche bée, il n'a pas trouvé la réponse. Et il a su que ce n'était pas la parole d'un humain. Mais il a su que cela n'était pas la parole d'un humain. Il a dit, Laysa bishir, wala sihr, wala min kalamil bashar. Il a dit, ceci n'est aucunement de la sorcellerie, ni de la poésie, ni de l'al-kihana, de la voyance, na'am, ni la parole des hommes. Lui, il a raconté à Quraysh ce qui est arrivé. Et pendant que le prophète sallam récitait, c'était tellement lourd pour lui, telle une décharge qui percutait son cœur, qu'il l'a attrapé et il lui a interdit d'en rajouter. Il ne supportait plus la lecture de la vérité. Il ne pouvait plus tenir dans le faux en écoutant le haqq. Alors sa seule solution fut d'interdire au prophète sallallahu alayhi wa sallam au nom du lien de parenté. Regardez l'importance, subhanallah, du lien de parenté chez l'arabe. Au nom des liens de parenté. Il l'a sommé de cesser sa récitation. Ensuite, il est rentré chez lui tout perturbé et il ne sortait plus de chez lui. Il ne sortait plus de chez lui. Parce que ça, c'était une ruqya. En réalité, c'était une ruqya de celui qui est malade. Il ne pouvait plus sortir. Abu Jahl, lorsqu'il a vu ce résultat, l'a suspecté, l'a accusé de s'être converti à l'islam. Il a dit, on voit de lui, ou on pense de lui qu'il n'a fait que pencher vers Mohammed et qu'il a renié la religion de ses ancêtres. Alors que Utba n'avait pas cru, il ne s'était pas converti à l'islam. Il s'est donc mis en colère et il leur a raconté ce qui s'était passé. Et il a juré qu'il ne parlerait plus jamais à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci était une un des moyens utilisés par Quraysh al-Targhib. Le fait de proposer au prophète sallallahu alayhi wa sallam ad-dunya afin qu'il délaisse une partie de son message. Le point suivant, le moyen suivant était at-targhib, la menace. La menace, le contraire. At-targhib, puis at-targhib. Les gens de Quraysh se sont réunis et se sont mis d'accord. Et ils ont juré par leur plus grande divinité, Al-Lat, Al-Uzza, Mana, ils ont juré que s'ils voyaient Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils l'assassineraient. Ils l'assassineraient. Et Fatima radiallahu anha, la fille courageuse, pieuse, vertueuse du prophète alayhi wa sallam, a entendu cela. Alors elle a eu peur pour son père. Elle a hâté le pas, elle a couru vers lui, wa hiya tabki, en pleurant. Elle était en larmes. دخلت على أبيها وذكرت لها القصة. Elle est rentrée chez son père et il lui a raconté l'histoire. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Abunayyati, itini biwodo, ou biwodo. Il lui a dit, oh ma fille, apporte-moi de l'eau pour faire les ablutions. Al-wodo, c'est l'action de faire ses ablutions. Al-wodo, ça c'est l'eau utilisée. Naam, c'est l'eau utilisée. Comme tu dis à Souhour, Naam, c'est l'action de prendre le repas au temps du Sahar, avant de jeûner. Naam, Al-Sahar c'est le temps, et Al-Sahour c'est la nourriture. Al-Sahour c'est la nourriture. Al-Wado c'est l'eau utilisée. Al-Wado c'est l'action faite. C'est l'action faite. Donc il lui a dit de lui ramener son Wado. Fatawadda'a wa dakhala al-Masjid al-Haram. Wassalam a fait le wudu. Parce que le wudu, c'est une quwwa pour le croyant. Le wudu, c'est une himaya pour le croyant. C'est une force, c'est une protection pour le croyant. Et ya, c'est une ibada. Donc tu te rapproches d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah nous dit, kadhalika nunjil mu'minin. Et plus tu es croyant, plus Allah te secoue. Naam. Plus tu es croyant, plus tu as la nusra d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il est rentré au Masjid al-Haram. Falamma ra'awhu, qalu ha huwa dha. Lorsqu'ils l'ont vu, ils ont dit le voici. Ils ont dit le voici. فَمَسْتَطَاعُوا أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ وَأَخَذَ تُرَابًا وَرَمَوْهُمْ. Ils n'ont pas pu le regarder ni le défier. Il a pris du sable ou de la terre. Il a lancé cela en leur direction. Et il a fait du'a contre eux. Et il a fait un du'a contre eux. شَاهَتِ الْوُجُوهُ. Que leur visage soit déformé. Naam. Celui qui nous rapporte cela nous dit qu'il n'y a pas une personne qui a été touchée par cela sans qu'il soit sans que je ne l'ai vu par la suite décédé le jour de la bataille de Badr. Toute personne qui a été touchée par cela, je l'ai vu décéder, naam, sans avoir été guidé ou dit le jour de la bataille de Badr. Ce hadith rapporté par Abbas inda Ahmed rahimahullah. Puis il y a eu l'étape suivante, ça a été les châtiments corporels, la mise en pratique des menaces. Abu Jahl par exemple, alayhi la'natullah, n'entendait pas une personne s'être convertie à l'islam sans qu'il ne l'agresse. Naam, et pour beaucoup c'était des faibles. Naam, donc il venait, il les attrapait. Il les martyrisait, il les frappait, il les dénigrait, il se moquait d'eux jusqu'à ce qu'ils renient l'islam. Et il leur disait, t'insultes Mohammed et je te laisse. Et il leur disait, dis que tu adores Allah et l'Uzza. Sinon tu resteras ainsi. Et il les torturait, et il les forçait. Et il les forçait à prononcer la parole de kufr. Mais sahaba, de par leur grand iman, ils patientaient. Allahu Akbar. Donc le point suivant, c'est al-i'tida al-jasadi. C'est la torture corporelle. C'est la torture corporelle. Après avoir utilisé tous les moyens, en vain, Quraysh ont vu que rien n'allait pouvoir repousser ces gens dont la foi avait pénétré les poitrines, dont la foi s'était mélangée dans les rouleaux, dont la foi s'était ancrée dans les cœurs. Alors ils ont dit, on va les frapper, on va les agresser, et cela les fera sortir de leur religion. Car Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne pourra pas les défendre, nous sommes nombreux, nous sommes forts. Ils ont commencé par qui? Ils ont commencé par les faibles. Ils ont commencé par les esclaves. Ils ont commencé par ceux qui n'avaient pas une certaine noblesse, par ceux qui n'avaient pas de tribu, par ceux qui n'avaient pas de personne pour les protéger, après Allah tabaraka wa ta'ala. Abu Jahl a dit, Ayahfiru Muhammadun wajhahu fi turab amamakum wa tatrukunahu. Abu Jahl, et Inda al-Khubatha, il y a toujours une tête qui engraine les autres. Même s'ils s'unissent dans cette caractéristique qu'ils sont mauvais, il y a toujours un qui est pire que les autres et qui engraine les autres. À l'image de Abu Jahl. Na'am, à l'image de Abu Jahl. Abu Jahl a dit, il leur a dit, Mohammed vient devant vous, il pose son visage dans la poussière et vous le laissez faire. Et vous le laissez faire. Qu'est-ce qu'il n'entendait pas? Il pose son visage dans la poussière. La salade. Il donne de mauvais noms aux belles choses, aux choses nobles, pour éloigner les gens de cette noblesse et de ces bonnes choses. Mais dans le dîn, on a des qawa'i et on a des règles. C'est que l'appellation ne change pas la réalité des choses. Si tu appelles la prosternation, mettre son visage dans la poussière, alors on met notre visage dans la poussière pour celui qui nous a créés, nous et vous. Et si vous appelez l'alcool eau de vie, alors ça ne rend pas licite l'alcool. Donc de changer l'appellation, que ce soit une bonne chose ou que ce soit une mauvaise chose, ça ne change pas la réalité des choses. Celui qui appelle le fait d'adorer autre qu'Allah Azza wa Jal, l'amour des saints. Naam, ils disent Hubbul Awliya. Ils disent on aime les Wali, on aime les Awliya. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont un problème, ils viennent, ils prennent une vache, ils prennent un chameau, ils prennent un mouton, ils le ramènent à la tombe et ils sacrifient pour le Wali. Pourquoi? Ils disent on aime le Wali et en l'aimant, on se rapproche d'Allah. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفًا إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Ils ont changé le nom. Ils ont changé le nom du shirk en disant on se rapproche d'eux pour se rapprocher d'Allah. On les adore pour se rapprocher d'Allah. Allah Azza wa Jal n'a pas fait de différence par l'appellation. Il a dit Allah ne dit pas celui qui est grand menteur. Naam, kafir. Ça c'est une qaïda très important. Changer l'appellation des choses ne change pas le jugement. Ne change pas le jugement. Comme on l'étudie dans le livre Al-Qa'id Al-Arba'a. Donc, ils ont fait ce pacte-là. Il a juré par Allah, par l'Uzza, que la inra'aytum, si je le vois, venir faire cela, la ata'anna ala raqabati. Naam, je marcherai sur son cou. Alors, suite à cette parole-là, Ata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli. Le messager sallallahu alayhi wa sallam est arrivé auprès de la Kaaba et a fait la prière. Que s'est-il passé? Il est venu voir Quraysh, il leur a dit le voici, qu'allons-nous faire? Et le pire d'entre eux, à ce moment-là, s'est levé. Ou plutôt, ça c'est dans un autre hadith. Ici c'est Abu Jahl lui-même qui est venu. Il a essayé de mettre en pratique ce qu'il avait promis de faire. Que s'est-il passé? Il s'est arrêté brusquement et il s'est protégé le visage ainsi. Alors ils lui ont dit, que t'arrive-t-il? Il a dit, il y a une tranchée remplie de feu. Naam, il a vu devant lui une tranchée remplie de feu. Alors que tous ceux qui étaient autour de lui ne voyaient pas cela. Faqila lahu mal. Ils lui ont dit, que t'arrive-t-il? Parce qu'il a marché à reculons, il s'est protégé le visage et il a voulu se sauver. Faqila lahu malak. قال إن بيني وبينه خندق. Il a dit, il y a entre moi et lui un fossé minna, un fossé rempli de feu. Et je vois des choses avec des ailes, dotées d'ailes. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دانا مني لاختطفه أو لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. S'il se serait approché de moi, les anges l'auraient décapité membre par membre ou membre après membre. فأنزل الله سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى jusqu'à أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. Puis Allah Azza wa Jalla a révélé ces versets de Surat Al-Alaq. N'as-tu pas vu celui qui empêche notre serviteur de prier? Alors, si tu comprends qu'en étudiant As-Sirah, tu comprends mieux le Coran. En étudiant As-Sirah, tu comprends mieux le Coran. Na'am. Cette surah, Surat Al-Alaq, que nos enfants, bihamdillahi Azza wa Jalla, mémorisent. Na'am, fadlan al-kibar. Voici la cause. On a étudié la cause de la révélation des 5 premiers versets. Et ici, on voit la cause de la révélation, du 6e jusqu'au 19e verset. Na'am. C'est lorsqu'il a juré de ne pas le laisser prier auprès de la Kaaba. Allah tabaraka wa ta'ala l'a défendu et a révélé cette partie de Suratu Al-Alaq. Dans un autre hadith, inda al-Bukhari, Urwa ibn Zubayr nous dit qu'il a questionné Abdullah ibn Amr. Il a questionné Abdullah ibn Amr au sujet de la pire chose qu'il a vu recevoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la part des associateurs. Il nous dit Ra'aytu Uqbah ibn Abi ou bien ibn Mu'ayt. J'ai vu ibn Mu'ayt ou bien ibn Uqbah, Uqbah ibn Abi Mu'ayt. Na'am, Uqbah ibn Abi Mu'ayt. C'est là Uqbah ibn Abi Mu'ayt. J'ai vu donc Ra'aytu Uqbah ibn Abi Mu'ayt ja ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yusalli, alors que ce dernier était en prière. Fawada'a ridaha ridahu fi unuqihi fa khannaqahu khanqan shadidan. Il nous dit, la pire chose que j'ai vue, c'est qu'un jour, Uqbah ibn Abi Mu'ayt est venu voir ou s'est approché du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce dernier était en prière. Fawada'a ridahu, il a pris son rida. Le rida, c'est le haut du vêtement. Na'am, lorsque tu mets l'izar, tu mets la partie inférieure, le pad, et le rida, c'est ce qui couvre le haut du corps. Il l'a enlevé, et alors que le prophète sallam était en prière, il l'a attrapé avec son rida et il l'a étranglé. Na'am, il l'a attrapé avec son rida et il l'a étranglé. Faja'a Abu Bakr hatta dafa'ahu anhu. Abu Bakr est venu en courant jusqu'à ce qu'il le poussa et défenda le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur a dit, ataqutuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Est-ce que vous allez tuer un homme juste parce qu'il dit mon Seigneur et Allah, wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, alors qu'il vous est venu avec des preuves émanant de votre Seigneur? Na'am, cette parole on la retrouve aussi dans le Coran. Na'am, on la retrouve aussi dans le Coran. Dans quelle histoire, dans quelle sourate? Na'am, dans l'histoire de Moussa, dans quelle sourate? Dans Surat Ghafir. Na'am. Dans Surat Ghafir. C'est un homme croyant. Min ali fir'aun yaktumu imana. C'est un homme parmi les suiveurs de Fir'aun. Tayyib. En apparence. Lorsqu'il faisait du mal, il est venu et il leur a dit, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Est-ce que vous allez tuer un homme juste parce qu'il dit mon Seigneur Allah, wa qad ja'akum bil bayyinat min rabbikum, et alors qu'il vous est venu avec des preuves manifestes émanant de votre Seigneur? Les ulama ont dit, Abu Bakr est meilleur que Mu'min Ali Fir'aun. Abu Bakr est meilleur que Mu'min Ali Fir'aun. Pourquoi? Pourquoi Abou Bakr est meilleur que lui? Parce que lui a caché son islam. Parce que lui a caché son islam, alors qu'Abou Bakr l'a montré. Alors que lui est venu avec finesse pour aider les gens du iman. Alors que Abou Bakr est venu avec clarté pour secourir Ahl al-Iman. Donc les ulama ont dit qu'Abou Bakr est meilleur que Mu'minu Ali Fir'aoun. L'imam al-Bukhari Muslim nous rapporte également, c'est la parole d'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, dans laquelle il nous dit « Bainama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli inda al-bayt, wa Abu Jahl wa ashabuhu julus » Il nous dit, Abdullah ibn Mas'ud nous raconte une histoire. Abdullah ibn Mas'ud, il faut savoir que c'est un de ceux qui ont le plus subi, parce qu'il fait partie des premiers convertis à l'islam, et c'était un simple berger. Naam, il n'avait pas sa tribu pour l'aider et le défendre. Et il fait partie de ceux qui sont convertis en premier. Naam, il fait partie de ceux qui sont convertis en premier, de ceux qui ont appris le Coran de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si Allah nous facilite, il convient de donner son haq à ce sahabi en matière de conférence, en matière de khutbah. Abdullah ibn Mas'ud, lahu kalam, ajib. Il a des paroles, yani, jamila, jiddan. Il a de magnifiques paroles. De par l'éducation qu'il a reçue du prophète alayhi salatu wassalam. Il nous dit un jour on a sacrifié une chamelle. Abu Jahl a dit ayyukum yaqumu ila sala jazur bani fulan. Abu Jahl a dit qui d'entre vous va aller récupérer le placenta, n'am, ou ce qui sort lors de l'accouchement d'une femelle. Naam, qui est-ce qui va récupérer cela? Pourquoi faire? Et sachant que ça, c'est une chose qui est yani répugnante pour l'ensemble. Et c'est une chose qui a une odeur nauséabonde. فَيَأْخُذَهُ فَيَضَعَهُ فِي كَتِفَيْ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ. Regardez, subhanallah, le point de khubth que peut atteindre la personne quand elle s'éloigne d'Allah tabaraka wa ta'ala et son cœur s'endurcit encore pire qu'une pierre. Regardez la parole de Abu Jahl. Il dit, qui d'entre vous va aller récupérer? C'est son neveu. Orphelin, qui a grandi auprès des leurs, le meilleur d'entre eux. Tout le monde le reconnaît. Tout le monde connaît ses qualités. Mais comme il a dit, là, il est Allah, regardez maintenant ce qu'il veut lui faire. Il dit à ses amis, qui d'entre vous va aller récupérer le placenta de la chamelle qui a mis bas dans telle tribu? Et qui attendra que Mohammed se prosterne pour lui mettre cela entre les omoplates. Pour lui mettre cela entre les épaules. Famba'atha ashqal qawm. Le pire d'entre eux est parti. Qui est le pire d'entre eux? Est-ce qui a accepté cette mission shaytaniya? Ibn Abi Mu'ayt. Uqba ibn Abi Mu'ayt. Encore celui qui avait tenté de tuer le prophète sallam en l'étranglant. Lorsque Abu Bakr radiallahu anhu est venu à son secours après Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, il est parti récupérer cela. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné, falamma salana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wada'ahu bayna katifayhi. Lorsque le prophète sallam s'est prosterné, il lui a mis cela entre les épaules. Qal fastadhaku. Na'am, et ils se sont mis à rire les uns les autres. Naam, comme lorsque tu veux faire rire ton ami. Naam, yani lorsque la personne se moque et elle montre du doigt par exemple et elle secoue son ami pour qu'il rie et se moque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit, alors ils riaient les uns les autres, se secouaient les uns les autres. Wa ana qa'imun anzur. Il nous dit, moi je suis debout, je regarde. Et on se demande pour qui l'épreuve est la plus grande. Pour l'amour du sahabi, tel Abdullah ibn Mas'ud qui voit son bien-aimé dans cette situation et il ne peut rien faire. Ou bien pour le meilleur des prophètes et messagers qui est prosterné en train d'adorer Allah Azza wa Jal par la meilleure adoration. Il est le plus proche d'Allah Azza wa Jal et on ne le respecte pas dans son propre peuple, dans sa propre famille et on lui met sur le dos le placenta de la chamelle. وَلَوْ كَانَ لِمَنَعَ طَرَحْتُهُ. Il nous dit, et si j'avais une force, si j'avais une tribu, si j'avais des gens pour m'aider, alors j'aurais pu enlever le placenta. عَنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Du dos du messager d'Allah صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. وَالنَّبِيُ سَاجِدْ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ. Le prophète sallam est resté prosterné malgré cela et il ne relevait même pas sa tête. Et il ne relevait même pas sa tête. حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة جاءت وهي جويرية jusqu'à ce qu'une personne aille chercher Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit encore une fois son courage parmi les caractéristiques et les qualités de Fatima radiallahu anha, par lesquelles elle se distinguait des autres femmes. Et ça avant c'était plusieurs choses. Parmi ces choses là le fait qu'elle ne demandait rien et elle ne se plaignait jamais à son époux. Elle ne se plaignait jamais. Et parmi ses qualités, al-shaja'a. Parmi ses caractéristiques, c'est celle qui ressemblait le plus au prophète sallam dans son éloquence et dans sa démarche. Naam, dans son éloquence et sa démarche. Et qu'Allah nous facilite d'étudier la biographie de Fatima radiallahu anha. Lorsque et on nous dit dans ce hadith, wahiya juwayriya, c'était une petite fille. C'était encore une petite fille. فجاءت فطرحت عنه ثم أقبلت عليهم تشتمهم. نعم تشتمهم وتشتمهم. Elle est venue رضي الله عنها. Elle a ôté le placenta et elle s'est dirigée vers eux et elle leur a dit ce qu'ils méritaient d'entendre. Personne n'a osé parler. Personne n'a osé agir. Mais Fatima رضي الله عنها, de par son courage et ماذا ce qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé, elle est venue à faire cela. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini la prière, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a dit aux sahaba, sortez dans les rues manifestées, comme le font al-ikhwan al-muslimoun, al-ikhwan al-muflisoun, min ahli al-bida? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est prosterné devant le Kaaba, c'est la plus noble des créatures, on met sur son dos, maza, Salat Yazouri, le placenta d'une chamelle. Est-ce qu'il a dit manifester? Est-ce qu'il a dit sortir dans les rues, casser tout? Non. Est-ce qu'il a dit brûler tout, piller les richesses, faites du bruit, faites. Non. Il s'est dirigé vers Allah, tabarak wa ta'ala. Parce qu'il est mustara'af, parce qu'il est en situation de faiblesse. Non. Ou le muslim, il s'en faut, bah oui, yann. Et le musulman, c'est pas un semeur de troubles. Là, on dit, mon babit, il a un dîn, il a une religion. Qui l'éduque, qui lui dit comment se comporter dans telle situation, dans telle autre. Non. Et on est. Et ça ne fait pas partie de mes habitudes de citer la politique. Non. Même si on me réclame cela. Bihamdillahi Azza wa Jalla, Ahlus Sunnah parle de ce qu'il faut parler à ceux à qui il faut parler de cela. Lorsqu'il faut parler de cela, comme il faut parler de cela. Mais si on regarde ce qui s'est passé dans de nombreux pays, lorsque la secte de l'Ikhwan al-Muslimoun, on dit aux gens, sortez dans les rues, manifestez. Et certains même qui prétendent être des gens de science, l'un d'entre eux dit, je suis sorti, bihamdillah, avec mon épouse et avec mes filles. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Naam, qui est cet homme-là? Un homme qui prétend être un savant de la sunna, il se nomme Mohamed Hassan. Une personne de science d'Égypte. Mais est-ce qu'il est à la sunna? Tu oses dire que tu sors avec ton épouse et tes filles dans le fauve, hein? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Que s'est-il passé? Combien de musulmans sont décédés? Combien d'honneurs de femmes entachées? Combien de richesses pillées? Taïb, qui tire profit de cela? Est-ce que le muslim, il tire profit de cela? Un tel a perdu la vie. Une telle de son honneur. Un tel de ses richesses, et un tel, et un tel, et un tel. Ça, c'est le fawda. Allah Azza wa Jal, la yuhibbu al-fasad. Allah Azza wa Jal n'aime pas le désordre. Qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Lorsqu'il a fini sa prière, rafa'a sautahu, thumma da'a alayhi. Il a levé sa voix, puis il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui se trouve donc dans la difficulté. Et celui qui se voit faible, et celui qui se croit seul, et celui qui se voit rendre à l'incapacité, qu'il sache qu'il a un Seigneur qui est vivant, qui est Hayy Qayyum, Kabir Muta'al, la yu'izuhu shay'un fil ardi wa la fis sama. Tu as un Seigneur qui est fort, qui est élevé au-dessus des cieux, qui est fort, et personne ne saurait le réduire à l'incapacité. Il a donc invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, Et pour finir ce hadith, il nous dit, radiallahu anhu, qu'il a vu toutes ces personnes-là, na'am, tomber le jour de la bataille de Badr. Voilà, tahsabanna Allah, ghafilan amma ya'malu zalim. Comme nous dit Allah dans Surat Ibrahim, il ne pense pas qu'Allah est distrait de ce que font les injustes. Walhamdulillah il kabir il muta'al. Qissatun ukhra, une autre histoire qui illustre les nuisances corporelles qu'on fait et tenter Quraysh à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui ont accepté l'islam. Muhawalatu Ummi Jamil. Qui est Ummu Jamil? وليست كذلك كي أم جميل أحسن الله إليك هي زوجة أبي لهب c'est la femme de أبو لهب c'est l'épouse de أبو لهب كافة أم جميل أم جميل donc l'épouse de أبو لهب c'est la sœur de أبو سفيان c'est la sœur de أبو سفيان. Elle a pris une pierre et est partie à la, ou bien, elle est plus gros que cela, et est partie à la recherche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et a pris l'engagement de lui jeter cela. Na'am, de lui nuire et de lui faire du mal. Pourquoi cela? Parce qu'elle a, il lui est parvenu qu'Allah azza wa jal a révélé sur le prophète alayhi sallatu wa sallam, quelle sourate? Al-Masad. Al-Masad. Qui parmi les enfants mémorise Sourate Al-Masad? Iqra. Bismillah. Ya'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. جزاك الله خيرا. اللهم بارك أعيذك بكلمات الله من كل شيطان. طيب. À la fin du cours, tu viens me voir. Je vais te dire une règle à la fin des versets de cette sourate. Comment elle le récite. Donc elle a essayé de lui jeter cela. Mais Allah Azza wa Jal, lorsqu'elle est arrivée, le prophète sallam était avec Abu Bakr. Le prophète sallam était avec Abu Bakr. Abu Bakr, lorsqu'il a vu Ummu Jamil arriver, a dit, Ya Rasulallah, voici Ummu Jamil. Et regarde ce qu'elle a dans la main, elle va te faire telle chose et telle chose. Et il lui a dit, t'inquiète pas, elle ne me nuira pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aveuglé Ummu Jamil et elle ne voyait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a aveuglé, c'est-à-dire de la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est venue devant lui et a dit, Abu Bakr, où est ton compagnon? J'ai entendu qu'il me dénigrait et qu'il parlait sur moi. J'ai entendu qu'il me dénigrait et qu'il parlait sur moi. Donc ceci n'était pas restreint aux hommes, même les femmes tentaient d'agresser le prophète alayhi salatu wassalam ou ses compagnons. Maintenant, plus particulièrement maintenant, lorsqu'ils n'ont pas réussi en touchant la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont passés à une autre étape. C'est torturer tous ceux qui entreront en islam. On n'arrive pas à toucher la tête, alors on va perturber ceux qui sont proches de lui. Et si les gens remarquent que ceux qui sont proches de lui le délaissent, même si on les contraint, ils ne vont pas tous le savoir, alors les gens vont se dire s'il était sur la vérité, ou s'il avait été sur la vérité, les gens ne se seraient pas éloignés de lui. Naam. Tu vas voir par exemple la personne, tu lui dis si je te revois avec un tel, ou si tu t'assieds à nouveau dans son assise, alors on te fera telle chose. Alors on t'enlèvera telle chose et telle chose et telle chose. Pourquoi? Pour affaiblir la tête. Mais celui qui est véridique avec Allah Azza wa Jal, si on enlève tous ses suiveurs, il reste avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. Si on lui enlève tous les suiveurs, il reste avec Allah Azza wa Jal, parce que son but c'est pas le chiffre. Son but c'est d'être en conformité avec ce qui lui a été commandé. Quand tu prêches, tu ne cherches pas le nombre. Tu veux le bien pour tout le monde. Tu veux le bien même pour ceux qui t'insultent et te dénigrent pour ton dé. Tu veux leur guider. Tu veux qu'Allah les guide. Mais s'il y a du monde, tu ne vas pas délaisser le haq pour augmenter ce monde-là ou le garder. Et si tu n'as pas de monde, tu ne vas pas changer la vérité pour tirer vers toi le haut. Non. Fasda' bima tu'mar. Udu'u ila sabili rabbik. Les textes sur la da'wa font référence au message d'Allah. C'est pas toi qui décide. Tu transmets ce qu'Allah Azza wa Jal révèle. Tu appelles comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle. Donc ils sont venus et s'en sont pris aux sahaba, comme on a vu lorsqu'Abu Bakr est sorti de Mada de Mecca. Pourquoi? Parce qu'ils lui ont fait du mal. Naam, ils l'ont agressé. Ils l'ont agressé. Et ils l'ont défiguré. Ils l'ont défiguré au point où on ne savait plus où était son nez dans son visage, radiallahu anhu. Et lorsque Othman ibn Affan, radiallahu anhu, par exemple, s'est converti à l'islam, son oncle, Mada al-Hakam ibn al-As, ou bien Ibn Abi al-As, l'a attaché. Il l'a attaché, lui a dit, je ne te détacherai pas tant que tu n'auras pas mécru à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tant que tu ne délaisses pas l'islam, tu resteras attaché. Othman ibn Affan est resté sur son dîn, est resté fermement attaché à son dîn, et c'est devenu le meilleur des hommes, le meilleur des compagnons. Naam, après le prophète, après Abu Bakr et Omar. Pourquoi est-ce qu'il l'a détaché? Il dit, lorsque j'ai vu sa fermeté dans son dîn, alors il a abandonné. Il a abandonné. Naam, pourquoi? Parce qu'il est thabit. Naam, il est ferme dans son dîn. Abdullah ibn Saoud radiallahu anhu nous dit, je me suis vu le septième de sept. On n'était que sept. Naam, sur le tawhid. Il y avait Abu Bakr, il y avait Ammar, il y avait la mère de Ammar, Soumaïa, il y avait Souhaïb, il y avait Bilal et il y avait Miqdad. Ils étaient sept. Allahu Akbar. Et au jour d'aujourd'hui, juste dans le masjid, juste dans l'assise, on est combien? Subhanallah. Mais wallahi, tout notre nom. Naam, on n'équivaut pas à un sahab. On n'équivaut pas à un sahab. Naam, ils n'étaient pas beaucoup, ils étaient sept. Allahu Akbar. Mais ils avaient din, al-haq. Ils avaient thabat, ils avaient l'ilm, ils avaient l'amal, ils avaient l'ikhlas, ils avaient sirq ma'allah. Subhanahu wa ta'ala. Et ils ont propagé avec véracité. Et aujourd'hui, vous êtes un fruit de ces sahabes. Vous êtes un fruit. Comme ils sont restés fermes, ils ont mémorisé dit et ils l'ont transmis, vous l'avez reçu au jour d'aujourd'hui. Savez-vous ce qu'ils ont fait à Abdullah ibn Saoud? Ils les ont attrapés, ils ont pris ces faibles-là. Et ils les ont emmaillés, ou bien ils leur ont mis des cottes de mal, et années qu'ils avaient laissé brûler sous le soleil. Et ensuite, ils ont enfilé ceux-là où ils les ont vêtus de cela et ils les laissaient sous le soleil. Et il leur disait, « Atakfuru bi Muhammadin, est-ce que tu mécrois Muhammad? Insulte Muhammad et je te délivre. Ou adore Allah tel Uzza et Manah et je te délivre. » Et ils faisaient cela. Et ils ont pris Bilal, radiallahu anhu, qui était à cette époque-là encore un esclave. Ils l'ont attaché. Ils l'ont traîné. Et ensuite, il lui mettait des rochers sur le corps. Il le frappait et il lui disait, dis que ta divinité, c'est Lat et c'est l'Uzza. Et Bilal, radiallahu anhu, il disait, Ahadun Ahad. Subhanallah. Un esclave faible, sans tribu, sans argent. Il se fait torturer et il ne délaisse pas l'islam. Il ne délaisse pas l'islam. Il craint pour sa vie, il le torture. Et Bilal, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il répond? Il répond, il n'y a qu'une seule divinité unique. Il n'y a qu'une seule divinité unique. Il le frappe, il le frappe. Ensuite, il le laisse sous le soleil ardent du désert d'Arabie. Et il lui met des rochers sur le corps. Et il lui dit, sors de l'islam et on te libère. Tu n'as qu'une parole à dire et on te libère. Et Bilal radiallahu anhu dit quoi? Ahadun ahad. Ahadun ahad. Il n'ajoute pas à cela. Il dit, je reste sur le tawhid. Je reste sur l'islam. Et au jour d'aujourd'hui, la hawla, hawla wa la quwwata illa billah. Une personne pour un peu d'argent, elle délaisse l'islam. Une personne parce qu'elle est éprouvée dans sa santé, elle délaisse l'islam. Une femme parce qu'elle est éprouvée dans son hijab, elle délaisse l'islam. Où sommes-nous devant le comportement de ces gens-là comme Bilal radiallahu anhu, comme Abdullah ibn Saoud radiallahu anhu, et comme les sahaba? Wallahu a'lam wa sallillahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارضى عن الصحابة أجمعين اللهم ارضى عن الصحابة أجمعين اللهم ارضى عن الصحابة أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين